vérité, ma volonté de ne pas être un président à vie était un secret de polichinelle, car, comme on le sait, j'ai refusé, entre autres, le dépôt d'une proposition de loi tendant à faire de moi un président à vie. Il y a mieux. Dans une interview à l'hebdomadaire dakarois Afrique Nouvelle en mai 1976, je disais « Pendant les quelques années qui me restent à vivre, je voudrais confier mes rêves à d'autres mains. Dès mon élection en 1960, mon principal problème a été de former une équipe pour me remplacer au plan politique. » Fin de citation, c'était clair. Encore une fois, j'ai toujours été contre la présidence à vie, j'ai toujours été pour l'alternance au pouvoir, et qu'il s'agit de l'alternance des partis exprimée par des élections libres ou de l'alternance au sein du même parti par la montée des jeunes. Est-il besoin de dire, Elie Kamboukolo, ce que représente comme coup de tonnerre dans le ciel africain le départ volontaire d'un chef d'État? Oui, c'est en effet un coup de tonnerre, mais un coup de tonnerre dans un ciel chargé de nuages. Il y avait déjà la crise très grave de l'économie arachidière au Sénégal. Il y a eu ensuite cette agitation permanente des étudiants, des milieux enseignants, plus l'effervescence d'un monde ouvrier qui est très ancien au Sénégal, et cette pression d'une élite intellectuelle et politique très brillante, mais habituée au pluralisme politique que le Sénégal connaissait depuis la colonisation, depuis le temps des quatre communes. On comprend que dès 1970, le président Senghor est décidé de nommer un premier ministre, Abdou Diouf, puis sous la pression de l'International socialiste dont le Parti socialiste sénégalais voulait devenir membre, Léopold Sédar Senghor annonce en 1974 la décision de restaurer le multipartisme. Ce multipartisme devient effectif avec la réforme constitutionnelle de 1976 qui institue un pluralisme limité à trois partis. Le Parti socialiste au pouvoir, représentant le socialisme démocratique, le Parti africain de l'indépendance dirigé par Mahmoud Diop et correspondant à la tendance marxiste-léniniste, et le Parti démocratique sénégalais dirigé par Maître Abdoulaye Wade, correspondant en principe au libéralisme politique. Mahmoud Diop, 21 août 1976.